إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 5 dans l'explication du livre Ta'kid al-Musallamat al-Salafiyya. Et donc c'est l'explication, disons la réponse à une fatwa qui a été faite par certains chouyours qui essaient de prétendre, qui prétendent que al-Asha'ira font partie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et donc le Cheikh Abdelaziz al-Raïs, il a écrit ce livre et dans lequel il a rassemblé les preuves et les paroles des ulama et les explications qui démontrent que c'est que cette secte des Asha'ira et des Maturidiyya, eh ben elles ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, et il a montré, il a démontré ça avec les preuves et il a expliqué pourquoi, hein, et donc il réfute la fatwa de ces gens-là. Donc on a lu jusqu'à maintenant les paroles ou les témoignages de 8 parmi les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de la question des Asha'ira, et chacun d'entre eux ont expliqué qu'ils ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et aujourd'hui on va lire quelques citations de d'autres parmi les ulama à ce sujet-là, en commençant par les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Le cheikh il dit, juste avant ça, je voulais vous montrer le livre de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari qu'il a écrit avant de mourir, dans lequel il a, disons, renié sa position précédente durant sa période intermédiaire, c'est-à-dire quand il a quitté l'i'tizal, et il avait une position intermédiaire au sujet des Asma wa Sifat et de d'autres sujets. Et c'était la position de, on a vu, Abu Muhammad ibn Kullab. Et par la suite, avant de mourir, il a, disons, dénoncé cette croyance, la croyance de Ibn Kullab, puis il a affirmé que sa aqida, c'était la aqida de l'imam Ahmad ibn Hanbal et de tous les imams de Ahl-Sunnah qui étaient là auparavant. Et le livre c'est Al-Ibana an Usul al-Diyana. Et c'est de l'imam Abdul Hassan Ali ibn Ismail al-Ash'ari. Et qu'est-ce qui était intéressant dans cette édition, c'est que dans l'introduction, il y a l'introduction du Cheikh Hamad ibn Muhammad al-Ansari. Et dans cette introduction-là, il a parlé un peu de la biographie de l'imam Abdul Hassan, de ses étapes quand il était Mu'tazili, et après quand il a quitté les Mu'tazila, et la période où il suivait la aqidah d'Ibn Kullab, puis par la suite quand il a quitté cette aqidah-là, puis qu'il a écrit Al-Ibana pour revenir à la aqidah des Salaf à la fin de sa vie. Puis il mentionne par la suite les citations des ulama qui ont témoigné du fait que l'imam Abul Hassan al-Ash'ari a bel et bien quitté la aqidah d'Ibn Kullab, puis qu'il est revenu à la fin de sa vie à la aqidah d'Ahl Sunnah, et que le livre Al-Ibana, c'est réellement son livre à lui. Parce que parmi les Asha'ira et les Maturidiyya, il y en a qui disent que ce livre-là, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est d'autres qui l'ont écrit, puis qui lui ont attribué. Donc dans ce livre, dans l'introduction de ce livre, le Cheikh Hamad al-Ansari, il ramène les paroles d'un paquet d'ulama qui ont témoigné justement du fait que Al-Ash'ari a bel et bien écrit ce livre-là et qu'il a bel et bien défendu la aqida d'Ahl-Sunnah de Wal-Jama'a et la aqida des Salaf Salih et qu'il a affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à la façon des ulama d'Ahl-Sunnah. Et dans le livre justement, il mentionne, comme j'ai dit, plusieurs ulama, et il mentionne également le livre d'un des shuyukh qui a écrit un livre qui s'appelle Az-Dabbu an Abi al-Hasan al-Ash'ari, et c'est écrit par un chef qui s'appelle Abu al-Qasim Abdul Malik ibn Isa ibn Darbas al-Shafi'i, et c'est lui qui a écrit ce livre-là, Az-Dabbu an Abi al-Hasan al-Ash'ari. Et dans ce livre-là, lui, il a vécu vers l'an 600 quelque chose, hein. Et justement, j'étais chez moi l'autre jour, et j'avais ce livre à la maison, je savais même pas. Parce que, je l'ai acheté en Belgique, et il y a au début du livre, c'est un livre au début, c'est 40 hadiths sur l'affirmation des attributs d'Allah, écrit par, Cheikh al-Islam, al-Imam Abu Ismail al-Harawi. Et à la fin du livre, il y a un autre livre qui est compris dans ce livre-là, et c'est ce livre-là qui est relié avec. Et c'est Az-Dabbu an Abi al-Hasan, et il mentionne plusieurs, donc, des imams et des ulama qui ont mentionné que ce livre-là était vraiment le livre de Abu al-Hasan al-Ash'ari. Puis il y a beaucoup d'autres témoignages intéressants à propos de d'autres ulama parmi les ulama qui étaient avec les Ash'ara et qui ont quitté cette secte par la suite et qui ont fait tawba avant leur mort, et il y a les témoignages mentionnés. Donc je vous encourage à vous procurer cette édition là. C'est un livre très bénéfique inchallah à ce sujet là. Maintenant revenons à notre livre et aux paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Le cheikh il dit: قد بين أنهم مبتدعة بطرق منها أنه نص على ذلك فقال كما في مجموع الفتاوى كما يقوله بعض المبتدعة على الأشعرية من أن حروفه ابتداء جبريل أو جبرائيل أو محمد مضاهة منهم في نصف قولهم لمن قال إنه قول البشر من مشرك العرب ممن يزعم أنه أنشأه بفضله وقوة نفسه. Donc le cheikh Abdul Aziz al-Rais, il montre que l'imam Ibn Taymiyyah a mentionné dans plusieurs passages dans différents livres qu'il a mentionné que les Ash'ara sont des mubtadi'a de différentes façons. Il mentionne la première citation qui est tirée de Majmu' al-Fatawa, le volume 2, la page 50. Il dit: comme certains des mubtadi'a, hein, des Ash'ara, disent que les lettres du Coran sont, c'est-à-dire ça vient ou c'est parti de Jibril ou de Muhammad, c'est-à-dire ils disent que c'est la parole de Jibril ou la parole de Muhammad, pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils copient la moitié de la parole, ou ils copient à moitié la position des mouchriquins, des arabes parmi les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prétendaient que c'était la parole d'un être humain, que le Coran est la parole d'un être humain. Et ça, c'est la moitié de la position des Ash'ara, parce qu'ils disent que le Coran est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils nient ça. Et donc c'est comme s'ils attribuent cette parole-là à un être humain, la même façon que les mouchriquins le faisaient. Donc ça c'est un exemple. Après, il dit: أنه جعلهم من المتكلمين وبجعلهم لهم من المتكلمين أخرجهم من أهل السنة إلى أهل البدع، فقال في الدرء: وأهل الكلام من الأشعرية وغيرهم. وفي أكثر من موضع يذكر أنهم أقرب إلى أهل السنة من غيرهم، فهذا يدل على أنهم ليسوا منهم. الشيخ الزي que parmi les preuves du fait qu'ils sont parmi les Ash'ara, c'est le fait qu'il les a classés parmi les mutakallimin, c'est-à-dire les gens de kalam. Peut-être que tu ne vas pas tout comprendre le sujet, parce que c'est un sujet qui est un peu avancé dans les détails des questions d'aqida, mais bon, quand même, tu peux suivre, puis si tu vas retourner à des cours qu'on a fait dans le passé qui expliquent, disons, les bases de ce dont on parle aujourd'hui, puis tu vas peut-être mieux comprendre par la suite. En fait, on explique certaines divergences entre certaines sectes, et puis on explique pour là on est au cours numéro 5, donc si tu retournes au cours numéro 1, 2, 3, 4, tu vas comprendre un petit peu mieux de quoi on parle, mais essaie de suivre un peu, puis ça se pourrait bien que quand même tu vas en profiter quand même de quelques informations, inch'Allah. Donc, il dit que Ibn Taymiyyah, il a mentionné les Asha'ira comme faisant partie des Mutakallimin, c'est-à-dire ils font partie des gens qui sont, qu'on appelle Ahlul Kalam, c'est-à-dire les gens qui parlent de, qui ont parlé de Dieu en se basant sur la philosophie grecque, au lieu de se baser sur la révélation. Et ils essaient de prouver l'existence de Dieu en se basant juste sur la raison, la logique grecque, hein, et non pas sur la méthode coranique, hein, et puis sur la méthode du prophète sur la salle. Donc ça c'est juste un résumé de la définition du mutakallimin, mais sinon bon, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Mais en général, Ahlul Kalam sont des gens de bid'ah. Donc du moment qu'on dit que quelqu'un fait partie de Ahlul Kalam, c'est indirectement, la signification ça veut dire que indirectement c'est des gens de bid'ah. Donc ça implique que les Asha'ira sont des mubtadi'a puisqu'ils font partie de Ahlul Kalam. Okay. Ils parlent de Dieu en se basant sur les terminologies et les expressions des philosophes. Et dans beaucoup d'endroits, ils mentionnent qu'ils sont les plus près, parmi les gens de bid'ah, les plus près de Ahl Sunnah. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Parce que s'ils étaient de Ahl Sunnah wal Jama'ah, ils n'auraient pas besoin de dire qu'ils sont plus près, hein, par rapport aux autres. Le Cheikh il dit, وفي مجموع الفتاوى وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث. Donc ici dans le volume 6 et à la page 55 de مجموع الفتاوى, il dit que الأشعرية ne voit pas ou n'ont pas la position qu'il faut prendre l'épée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire contrairement aux autres groupes de bid'ah comme les Khawarij et les Mu'tazila et d'autres parmi les groupes des, comme les Shia ou d'autres groupes parmi les gens de Bid'ah, ils ne voient pas qu'on a le droit de prendre l'épée contre un dirigeant injuste, s'il est musulman. Hein, et ça c'est la position d'Ahl Sunnah, qu'on n'a pas le droit de prendre l'épée et de se rebeller contre un dirigeant musulman, même s'il est injuste. Et donc, les Asha'ira sont d'accord avec Ahl Sunnah wal Jama'ah sur ce point-là. Et donc, Ibn Taymiyyah, c'est ça ce qu'il dit ici. Il dit qu'ils sont en accord avec les gens du hadith sur ce point-là. Donc, en général, ils sont les plus proches parmi les gens de Kalam, parmi les mutakallimin, ils sont les plus près de Ahl Sunnah et du hadith. À cause de ça, puis, donc, ça c'est un exemple. Après, il dit, وفي درء, ونقل في الدرء, درء التعارض, درء التعارض بين العقل والنقل, il dit كلام أبي الوليد ابن رشد المالكي في كتابه المسمى بالكشف عن مناهج الأدلة والمثل الذي ضربه لخطورة التأويل ثم قال أبو الوليد وهذه حال الفرق الحادثة في هذه الشريعة وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى وزعمت أنه الذي قصد صاحب الشرع حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد جدا عن موضوعه الأول ولما علم لما علم صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يعرض نعم لما علم صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يعرض ولا بد في شريعته قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله تأويلا صرحت به للناس قال وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة أو نعم في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل عليكم السلام ورحمة الله تبينت أن هذا المثال صحيح فأول من غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة وبعدهم ثم المعتزلة بعدهم ثم الأشعرية ثم الصوفية ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى. أبو حامد نعم أظن أنه الغزالي لأنه يقول ثم الصوفية ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى. فأبو الوليد ابن رشد يقرر أن الأشاعرة من عموم الفرق الاثنين والسبعين الضالة، وأقره ابن تيمية على هذا ولم يعترض عليه خلافا لهؤلاء المفتين الفتوى الجماعية البدعية لسلمان العودة الناشر لهذا أو الناشر لها في موقعه. يا شيخ il explique ici que dans le livre Dar al-Ta'arud min al-Aql wal-Naql, c'est le volume 6 à la page 221, il cite une parole de Abu al-Walid ibn Rushd al-Maliki dans son livre qui s'appelle Al-Kashf an manahij al-Adilla. Et il explique Ibn Rushd dans ce livre-là le danger de faire al-Ta'wil, c'est-à-dire de faire des fausses interprétations de la religion et des noms et des attributs d'Allah en général, yani, que c'est très dangereux de faire ça et que ça c'est la voie des gens de bid'a. Donc il dit que ça c'est la voie des groupes de bid'a qui sont apparus dans cette religion. Chaque groupe ou chaque secte prétend qu'ils interprètent la charia ou bien la religion d'une façon qui est différente de ce que l'autre secte a prétendu ou a amené comme interprétation, hein. Donc ça c'est très dangereux, hein, parce que c'est ça ce qui arrive. Chaque secte qui arrive, elle veut interpréter la religion, l'islam, d'une façon différente par rapport à l'autre, hein, et chacune d'entre elles pense que ou prétend que ce qu'elle interprète ou ce qu'elle donne comme interprétation, c'est ça ce que Dieu a voulu et c'est ça ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu, hein, comme interprétation. Et c'est arrivé à un point que ils ont divisé et déchiré la religion, hein, complètement. Et ils se sont éloignés d'un éloignement très grand, yani, par rapport à, disons, au sujet de la base, yani, comment la religion elle était à l'origine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà annoncé ça, hein, lorsqu'il a dit que il y allait avoir dans sa Ummah 73 sectes, c'est-à-dire sa Ummah allait se diviser en 73 sectes, elles seraient toutes en enfer excepté une, c'est-à-dire il y aura des divisions dans la Ummah jusqu'à même 73 sectes et chacune d'entre elles sera en enfer excepté une. Et lorsque, bien entendu, le cheikh il a juste mentionné ça, mais la fin du hadith c'est que ceux qui sont sauvés ou le groupe qui sera au paradis c'est le groupe qui suit ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a suivi ainsi que ses compagnons. Ok? Et plus loin, dans un des chapitres qui va suivre, inshallah, on va voir que ce hadith il est authentique. Et la réponse à ceux qui ont prétendu qu'il n'était pas authentique. Ok? Mais ça c'est pas tout de suite, c'est dans quelques cours, inshallah. Donc le shaykh il dit, illa wahida, ya'ni bil wahida, allati salakat zahir al-shar' wa lam tu'awwilhu ta'wilan. C'est-à-dire que le cheikh Ibn Rushd il dit, ce groupe-là qui va être celui qui va être au paradis, c'est le groupe qui a suivi la charia dans son sens apparent, dans son sens apparent, et non pas qui a interprété les choses pour déformer sa réalité, pour lui donner un sens qui contredit qu'est-ce qui est apparent par la révélation, d'accord? Et ils n'ont pas fait des déformations ou des fausses interprétations. Le texte, il est clair et il faut le prendre dans son sens apparent. Les seuls cas ou situations dans lesquelles tu as le droit de, disons, de prendre le texte autre que dans son sens apparent, c'est lorsqu'il y a un autre texte de la révélation qui vient, disons, expliquer ou clarifier le texte pour dire que là, dans ce cas-là, ça peut sortir de son sens apparent, parce qu'il y a une preuve, il y a, disons, quelque chose qui vient pour clarifier ou permettre qu'on sorte ce texte de son contexte apparent. Mais sinon, la base, c'est que la parole, à la base, elle doit être prise dans son sens apparent, à la base. Après, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il fait un commentaire par rapport à cette parole de Ibn Rushd. Et qu'est-ce qu'il dit, Ibn Taymiyyah? Il dit, et si tu observes, et si tu médites sur qu'est-ce qui est arrivé à cette religion, dans cette charia, à notre époque, il parle de son époque, de toutes sortes de désordres et de corruption, du fait que les gens ont essayé de déformer la religion, changer sa signification réelle, tu vas réaliser que l'exemple de Ibn Rushd, elle est correcte, elle est bonne, c'est un bon exemple qu'il a donné. Parce que le premier qui a, disons, changé cette religion-là, les premiers qui ont dévié ou qui ont changé cette grande religion, c'est qui? C'est les Khawarij, la secte des Khawarij. Ensuite, c'est les Mu'tazila. Ensuite, les Ash'ariya. Puis ensuite, les Soufiya. Puis Abu Hamid al-Ghazali est arrivé, puis il a, disons, fait un grand désordre lui aussi. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Abu Hamid al-Ghazali, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est qu'il a donné, au début, les voix des gens de Bid'a comme Ash'ariya, Soufiya, puis tout ça, c'était quelque chose qui se limitait à des petits cercles, séclus, puis qui se mélangeaient pas avec la population, c'était pas quelque chose qui était répandu, tu vois. Mais Abu Hamid, à cause de sa notoriété, puis de sa popularité, quand il a fait sortir ces affaires-là, ça a donné à ce mouvement et à ces groupes de bid'a une certaine crédibilité aux yeux des gens. Puis c'est ça ce qui a fait que ces gens de bid'a se sont, ces bid'a se sont propagés plus facilement par la suite dans les pays musulmans, à cause de ça. Donc c'est pour ça que il a amené beaucoup de mal en faisant une chose pareille. Et donc, ça c'est le commentaire de Ibn Taymiyyah. Donc, le Cheikh Abdelaziz Abraïs, il commente ce passage-là en disant que Ibn Rushd a expliqué que les Ash'ara font partie en général des 72 sectes égarées. Et Ibn Taymiyyah a confirmé cette position-là et il ne s'y est pas opposé. Contrairement à ceux qui ont fait la fatwa pour essayer de dire qu'ils font partie du groupe sauvé, comme on en a parlé, c'est cette fatwa qui a été publiée dans le site de Salman al-Awda, Islam Online, ok? Non, Islam Today, pardon, Islam Today. Donc c'est pour montrer que Ibn Taymiyyah sa position était contraire même à la position de cette fatwa qui a été faite dernièrement. Après, il mentionne les paroles de Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, et en fait c'est basé sur la même citation de Ibn Rushd. Il dit « وَقَدْ نَقَلَ كَلَامْ أَبِي الْوَلِيدِ Ibn Rushd al-Maliki al-Mutaqaddim fi kitabi al-Musamma bil-Kashf min al-Manahij al-Adillah wa والمثل الذي ضربه لخطورة التأويل كما في الإعلام والصواعق المرسلة وأقره ولم يخالفه مثل شيخه ابن تيمية. Donc il dit ابن القيم, le cheikh dit que ابن القيم a eu la même position que son chef. Il a mentionné la parole de ابن رشد et il n'a pas opposé sa conclusion, puis il a confirmé comme son cheikh ابن تيمية. Maintenant, on va lire les paroles d'un des ulama qui s'appelle Sulayman bin Sahman, Cheikh Sulayman bin Sahman, et c'est un des élèves de la da'wa salafia en Arabie Saoudite, qui était un des élèves du petit-fils, je crois, de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc, il dit, Al-Sheikh min a'imat al-da'wa al-najdiya al-salafia, Sulayman bin Sahman, rahimahullah, فقد رد على السفاريني قوله في لوامع الأنوار إن الأشاعرة والماتريدية من الفرقة الناجية قال كما قال هؤلاء المفتون. فقال هذا مصانعة من المصنف رحمه الله في إدخاله الأشعرية والماتريدية في أهل السنة والجماعة، فكيف يكون من أهل السنة والجماعة من لا يثبت علو الرب سبحانه فوق سمواته واستواءه على عرشه، ويقول حروف القرآن مخلوقة، وإن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت، ولا يثبت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم، فهم يقرون بالرؤية ويفسرونها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرائي، ويقول الإيمان مجرد التصديق، وغير ذلك من الأقوال أو من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. لوامر الأنواع البهية. Donc le cheikh il répond, il dit que Sulayman bin Sahman a écrit une dans sa réfutation à un qui s'appelle As-Safarini, dans son livre Lawami' al-Anwar, il a répondu à la parole que les Asha'ira et les Maturidiyya font partie de la secte sauvée ou du groupe sauvé. Donc, yani, As-Safarini, il dit la même chose que c'est gens qui ont fait la fatwa, les trois chouyoukhs qui ont fait la fatwa. Donc le cheikh Sulayman bin Sahman, il répond à cette fatwa en disant, en passant, Sulayman bin Sahman, rahimahullah, il a un livre qui a été publié dernièrement, ben, c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps, mais il était en manuscrit, il n'avait pas été publié, mais ça s'appelle Rad le titre du livre ne me revient pas, mais en tout cas, c'est une réfutation d'un des shuyukhs qui a critiqué la da'wa salafia, et il l'a réfuté point par point. C'est vraiment un gros livre, vraiment intéressant. En tout cas, la semaine prochaine, j'essaierai de me rappeler, puis je vais vous amener le titre, Inch'Allah. Ah oui, donc le cheikh il dit ça, c'est quelque chose que As-Safarini a inventé, de dire que les Asha'ira et les Maturidiyya sont du groupe sauvé, ou qu'ils sont sur le droit chemin ou du groupe sauvé. Il dit ça c'est un mensonge, quelque chose que l'auteur a inventé, parce que on n'a pas le droit de les faire entrer dans Ahlus Sunnati wal Jama'a. Comment on pourrait faire entrer dans Ahlus Sunnati wal Jama'a celui qui n'affirme pas que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, et qui n'affirme pas qu'il est au-delà de son trône, comme Allah l'a affirmé lui-même, qu'il est au-dessus de son trône dans le Coran, hein, ou qui dit que les lettres du Coran sont créées, et qui dit que Allah ne parle pas, ils disent que Allah ne parle pas avec des lettres et une voix. Donc ils disent que Allah parle sans lettres et sans voix. Donc ça c'est des paroles qui sont contraires à la position de Ahlus Sunnah. Ils disent aussi que ou bien ils n'affirment pas que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis avec leurs yeux. Ils disent que, ils affirment qu'il y aura une vue, une vision, on va voir, mais ils disent que cette vision-là, cette chose-là, en réalité c'est pas une vraie vision, c'est en réalité une connaissance que Dieu va créer en nous, hein, et qu'on va donc on va avoir l'impression qu'on le voit, mais ce ne sera pas ça. En tout cas, ça c'est leur façon d'interpréter Ar-Ru'ya, hein, dans le paradis, et ça en réalité c'est pas la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, en fait c'est contraire à la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Aussi ils disent que Al-Iman c'est uniquement Tasdiq, ça veut dire la foi pour eux, c'est pas les actions, et les actions et les paroles ne sont pas incluses dans la foi pour eux. C'est-à-dire que pour eux, la foi c'est quoi? C'est de reconnaître dans le cœur que tu crois que Allah existe. Oui, les Asha'ira sont des Murji'a, font partie des Murji'a. Donc, et ils ont beaucoup d'autres positions sur lesquelles ils contredisent Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et ça c'est dans son livre « La Wami' al-Anwar al-Bahiyya ». Ok, donc ça c'est pour les paroles de Sulayman bin Sihman. En passant, Yani, ça c'est des bid'ah, différentes bid'ah qui sont présentes dans la secte des Ash'ara. Parce que les Ash'ara, quand on dit qu'ils ne font pas partie de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ça veut pas, c'est pas juste à cause d'une bid'ah seulement, pas seulement à cause de Al-Asma' al-Sifat. Il y a beaucoup d'autres domaines ou beaucoup d'autres sujets ou d'autres questions dans l'aqida sur lesquels ils ont dévié par rapport à Ahlus Sunnah wal Jama'ah, comme par exemple la question de Al-Iman, par exemple. Comme on disait, ils font partie des Murji'ah. Hein, ils disent que les actions ne font pas partie de la foi. Hein, donc ça, ça fait partie d'une bid'ah. À elle seule, elle suffit pour faire sortir quelqu'un de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Parce que Al-Murji'ah, c'est une secte. Et si eux, ils défendent cette aqida, cette croyance, eh ben, donc juste sur ce point-là de l'iman, on pourrait les faire sortir de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Alors que, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là, s'ils réunissent d'autres bid'ah dans d'autres domaines de l'aqida aussi, comme par exemple Al-Qadar et d'autres choses de ce genre. Dans Al-Qadar, ils font partie des Jabriyyah. Hein. Donc c'est pour te dire que c'est, leur égarement est clair et évident. Yani. Le Cheikh dit « قال العلامة من أئمة الدعوة النجدية السلفية عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين » Ça c'est un autre des ulama de la da'wa salafia en Arabie Saoudite qui était un des élèves aussi des descendants de Muhammad ibn Abdul Wahhab et il s'appelle Abdullah ibn Abdul Rahman Abba Batin. Et il a réfuté lui aussi As-Safarini dans qu'est-ce qu'il a dit dans son livre La Wami' al-Anwar, la même chose que le Cheikh Sulayman bin Sihman, excepté qu'il dit فقال تقسيم أهل السنة إلى ثلاثة فرق فيه نظر فالحق الذي لا ريب فيه أن أهل السنة والجماعة فرقة واحدة وهي الفرقة الناجية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها بقوله هي الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو من كان على ما أنا عليه وأصحابي فبهذا عرف أنهم المجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يكونون سوى فرقة واحدة والمؤلف نفسه يرحمه الله لما ذكر في المقدمة هذا الحديث قال في النظم وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر يعني بذلك الأثرية وبهذا عرف أن أهل السنة والجماعة هم فرقة واحدة الأثرية والله أعلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته donc le Cheikh Abba Batin il dit au sujet de ceux qui disaient que les Ash'ara et les Maturidiyah font partie de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, le Cheikh il répond, et parce qu'il y a des gens qui disent Ahlus Sunnah wal Jama'ah sont trois sectes, eux ils disent, certains parmi les Ash'ara et les Maturidiyah, ils répondent, quand on demande qui sont Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ils répondent Ahlus Sunnah wal Jama'ah ce sont trois sectes, les Ash'ara, les Maturidiyah et les Salafiyah. Ils disent les trois sectes, ce sont eux, Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Et le Cheikh, il répond. Il dit, ça c'est pas correct. Ça c'est pas correct de dire ça. Il dit la vérité à ce sujet-là, la vérité. Au sujet de laquelle il n'y a aucun doute à ce sujet, c'est que Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ils ne forment qu'une seule secte. En réalité, ils ne sont qu'un seul groupe. Pas plusieurs. Et c'est le groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié hein, lorsqu'il a été questionné à ce sujet. Lorsqu'il a été questionné au sujet du groupe sauvé, il a répondu, il a dit c'est Al-Jama'a, c'est-à-dire c'est le groupe. Hein. Donc, les musulmans, en principe, ne forment qu'un seul groupe. Il n'y a pas plusieurs groupes. Il y a un seul groupe. En principe, ou bien si tu veux, pour résumer ça, ou pour dire ça d'une façon plus claire et plus simple, il n'y a qu'un seul islam. Il n'y a pas plusieurs islams. Il n'y a qu'un seul vrai islam. D'accord? Et tout autre, le seul vrai islam, c'est lequel? C'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est ce que je suis moi ainsi que mes compagnons. Ou c'est ce que je suis moi-même aujourd'hui et mes compagnons. Et c'est le groupe. C'est-à-dire le groupe moi ainsi que mes compagnons. C'est ça l'islam. Et donc, tout ce qui est contraire à ce qui a été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contraire à ce que les sahaba ont suivi après lui, eh bien on peut dire que ça c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ce groupe-là qui est sauvé. D'accord? Donc ça c'est la réponse de ce cheikh à ce sujet. Donc le groupe il est un seul, il n'y a pas plusieurs groupes acceptés ou plusieurs groupes sauvés, il y a un seul groupe sauvé. D'accord? Et donc on peut comprendre que, comme le cheikh il dit, que le groupe qui est sauvé c'est ceux qui sont réunis autour de ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, et ils ne sont donc qu'un seul groupe et une seule secte. D'accord? Ça se peut pas qu'il y ait une secte qui prétend une chose et une autre secte qui prétend son opposé, et les deux disent nous on suit ce que suivaient les compagnons dans les principes de la aqida et des fondements de la religion. Ça c'est impossible. D'accord? C'est pour ça que Ahl Sunnah wal Jama'ah ne sont qu'un seul groupe. Et il dit que même l'auteur lui-même, As-Safarini, il dit dans son livre que وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. Donc il dit que ce texte là ou ce hadith là, on ne peut pas le prendre avec, on peut pas le prendre avec certitude, ou le considérer qu'il s'applique à un groupe en particulier avec certitude, excepté Ahlul Athar, les gens qui ont suivi Al-Hadith, hein, qui suivent Ahlul Athar. Et Ahlul Athar, ce sont les salafs, Ahlul Sunnati wal Jama'ah. Ok. Donc ça c'est dans les paroles de ce cheikh. Ensuite, il mentionne les paroles du cheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah. Il dit dans Silsilat Al-Hadith As-Sahiha, le volume 6, la page 285. فإنما أنا فيه من الاشتغال بالمشروع العظيم تقريب السنة بين يدي الأمة الذي يشغلني عنه في كثير من الأحيان ردود تنشر في رسائل وكتب ومجلات من بعض أعداء السنة من المتمذهبة والأشاعرة والمتصوفة وغيرهم، ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن الرد على المحبين الناشئين فضلا عن غيرهم، والله المستعان وعليه التكلان. Donc le Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani lui aussi il considérait les Asha'ira comme étant des Mubtadi'a, et il dit qu'il était en train de travailler sur son projet qui s'appelle التقريب السنة بين يدي الأمة, c'est-à-dire son projet de rassembler la sunna et de la purifier, de la clarifier entre qu'est-ce qui est sahih et da'if et tout ça. Ça c'était un de ses projets, et donc il dit que parfois il était préoccupé ou distrait, c'est-à-dire il était dérangé dans ce projet-là par d'autres choses parfois qui étaient publiées dans des livres ou dans des magazines de la part de certains Mubtadi'a qui écrivaient des choses et qui sont des ennemis de la Sunna, et ils mentionnent parmi eux les gens qui sont, qui suivent aveuglément les madahib avec fanatisme, les madahib, et qui appellent les gens à suivre un madhab, mais avec, comment je pourrais dire, avec ta'assoub, sans revenir aux preuves. Et il calcule aussi parmi les ennemis de la Sunna, les Asha'ira et les Soufiya et d'autres parmi eux aussi. Et il dit donc que le fait qu'il est occupé à réfuter ces gens-là, qui sont les ennemis de la Sunna, eh bien ça l'empêche de réfuter certains de ses amis, hein, parce que, c'est-à-dire quand on dit ses amis, ceux qui sont sur la même voie que lui, sur le même manhaj, parce que la réfutation, dans l'islam, quand les ulama écrivent des réfutations, c'est pas uniquement contre les ennemis de la sunna, mais c'est aussi d'écrire des réfutations contre ceux qui sont sur la sunna lorsqu'ils font une erreur. D'accord? Donc il dit des fois je veux réfuter même des alliés, mais étant donné que je suis préoccupé à réfuter des ennemis de la sunna, donc j'ai pas le temps de faire ça. Donc Allah al-Musta'an. Donc ça c'est une parole de l'imam Ibn al-Albani à ce sujet. Après il mentionne les paroles du Cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen. Ça c'est des savants contemporains qui ont vécu dans ce siècle. Et ben il dit wa fi sharhihi lil-wasitiyya استدرك في أولها على السفارين لما جعل الأشاعرة والماتريدية من الفرقة الناجية وبين أن الفرقة الناجية واحدة وهم أهل الحديث أهل السنة دون الأشعرية والماتريدية قال وأيضا إن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. Donc, Cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen, Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen, il dit dans son explication de Al-Aqid Al-Wasitiyya que les Asha'ira, en fait, il répond à As-Safarini, hein, qui a prétendu que les Asha'ira et les Maturidiya font partie du groupe sauvé. Il répond que le groupe sauvé, c'est une seule secte, un seul groupe. Et ce sont les gens du Hadith, les gens de la Sunna. Et que l'Ash'ariya ou l'Maturidiya ne font pas partie de Ahl al-Hadith ou de Ahl al-Sunnah ou al-Jama'ah. Et donc, il le dit clairement dans son livre, il dit que les Ash'ariya et les Maturidiya et les gens de ces catégories-là, eux ne font pas partie de Ahl al-Sunnah ou al-Jama'ah. Et en dernier, il termine en citant la parole de Cheikh al-Fawzan, Salih al-Fawzan, il dit « Su'ila » أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل الأشاعرة والماتريدية يعدون من أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا يعدون ولم يعدهم أحد من أهل السنة والجماعة قط ولكن هم يسمون أنفسهم من أهل السنة وهم ليسوا من أهل السنة. Donc ça c'est une des fatwas de Cheikh Salih al-Fawzan. On lui a demandé, est-ce que les Asha'ira et les Maturidiya sont comptés parmi Ahl al-Sunnati wal-Jama'a? Il a répondu, il a dit non, ils ne font pas partie d'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a et personne ne les a calculés comme étant Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, mais ils s'appellent eux-mêmes Ahl al-Sunnati wal-Jama'a et ils ne sont pas parmi les gens d'Ahl al-Sunna et ils ne sont pas, ils font pas partie d'Ahl al-Sunna. C'est ce que le Cheikh Salih al-Fawzan a dit. Donc tout ça c'est des citations qu'on a mentionnées, on est arrivé même à 15 citations de 10, ou 15 parmi les ulama d'Ahl al-Sunna qui ont confirmé que les Asha'ira ne font pas partie d'Ahl al-Sunna ou al-Jama'a. Maintenant le Cheikh Abdel Aziz al-Raïs a mis trois points, il a mentionné trois points sur lesquels il voulait mettre un peu de clarification. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, le but d'avoir cité ces paroles-là de la part du Cheikh Abdel Aziz al-Raïs, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça c'est pour montrer, pour faire comprendre aux gens que cette fatwa que ces gens-là ont fait, elle est fausse. Et voici des témoignages des ulamas de l'époque de Abu al-Hassan al-Ash'ari et avant, même après, avant lui, pendant et après, qui ont témoigné qu'ils ne font pas partie d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. D'accord? Donc, de défendre ces gens-là et de dire qu'ils font partie d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, c'est une erreur. Maintenant, le Cheikh dit Tambihat. التنبيه الأول ذكر الإمام ابن تيمية في أكثر من موضع أن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة فقال في نقد التأسيس فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث وليس معنى هذا تزكيتهم وأنهم من أهل السنة بل معناه أنهم خير من الجهمية والمعتزلة على سوئهم الشديد على سوئهم الشديد فقال كقول إن النصارى أقرب إلى الإسلام من اليهود فليس معنى هذا أن النصارى مسلمون، فالله تعالى قال ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وقد نص على أن النصارى كفار كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Donc le cheikh ici il dit, dans le premier, il a donné quelques points, et le premier point, dans ce point ici, il dit que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a mentionné dans plusieurs points, dans différents livres, que les Asha'ira sont plus proches, sont les plus proches de Ahl al-Sunnah. Il dit par exemple dans son livre Naqd al-Ta'sis, le volume 2, la page 87, que ils sont le plus proche parmi les groupes de Ahlul Kalam, le plus proche de Ahlul Sunnah wal Hadith. Et le Cheikh, il commente, Cheikh Abdelaziz al-Raïs, il dit, ça, ça veut pas dire qu'il leur fait une tazkiyah, ça veut pas dire qu'il leur fait, disons, une faveur, pas nécessairement une faveur, ouais, ça veut pas dire qu'il leur fait une éloge puis qu'il dit qu'ils sont corrects. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il dit, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils font partie de Ahlul Sunnah, qu'il fait une éloge à leur sujet ou qu'il dit qu'ils sont corrects. Ça veut seulement dire qu'ils sont meilleurs par rapport aux autres groupes qui ont dévié sur différentes questions, sur l'aqida, comme Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila. Donc ils sont moins égarés que les Jahmiya et moins égarés que les Mu'tazila, mais ils sont quand même égarés. Et ils donnent l'exemple au sujet des chrétiens, lorsque Allah dit que vous trouverez parmi les plus grands ennemis des croyants ceux qui sont juifs et ceux qui sont des idolâtres, les mushrikin, alladhina ashraku. Et tu trouveras que ceux qui ont un plus grand amour ou qui sont plus proches dans leur amour pour les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Donc le cheikh il dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les chrétiens, ils sont plus proches par leur amour pour les musulmans que les juifs et que les mouchriquins. Sauf que ça ne veut pas dire qu'ils sont des musulmans, ça ne veut pas dire qu'ils sont des croyants, et ça ne veut pas dire qu'ils aiment complètement les mouchriquins non plus, mais qu'ils aiment plus par rapport aux juifs, par rapport aux mouchriquins, ils sont plus près des musulmans. Dans leurs sentiments. Et donc, ça, c'est ça ce que ça signifie, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des musulmans. Et dans d'autres versets, il y a la preuve que les chrétiens sont des kuffars, sont des non-croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Ça veut dire ceux qui ont dit que Dieu est un tiers des trois, ou trois en un, les trucs comme ils disent les catholiques, oui, le troisième des trois. Parce qu'ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils disent que le Père c'est Dieu, et Jésus le Fils, et l'Esprit Saint c'est, soi-disant, les trois qui forment un. Et donc, ceux qui disent ça, Allah, il les déclare dans ce verset-là, kuffar. Il dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Et il n'y a pas une église catholique ou protestante, ou orthodoxe aujourd'hui dans le monde qui dit pas cette parole-là, à part peut-être les témoins de Jéhovah, et eux les témoins de Jéhovah ils disent qu'il y a deux dieux, Jésus qui est le Fils de Dieu, ils disent que c'était l'ange Michel qui est venu sur la terre en homme, et ils disent qu'il y a Dieu le Père qui est dans le ciel, et c'est lui, ça c'est ce qu'ils disent. Et donc, ils disent, il y a un Dieu sur la terre et un Dieu dans le ciel. Et le Dieu de la terre, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu, qui est soi-disant l'agneau de Dieu qui est venu pour faire effacer nos péchés, des trucs comme ça. Puis, et donc, ça c'est une secte, malgré qu'ils ne disent pas 3 en 1, mais ils disent quand même que Dieu a un Fils. Donc, ils sont quand même, eux aussi, parmi les gens qui ont dévié et qui sont koufars. Donc, c'est pour dire que... c'est pour dire que cette croyance-là est contraire à la vérité. Et cette croyance-là en la Trinité, elle est contraire à la croyance que Isa a enseignée aux gens. Isa n'a pas enseigné la Trinité aux gens. Isa, il a enseigné aux gens le Tawhid, l'unicité de Dieu. Et c'est après des gens qui ont mélangé son message avec d'autres croyances et qui ont changé la vraie religion de Isa alayhi salam. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui croient ou qui pensent que ce que les chrétiens suivent aujourd'hui, c'était ça que Jésus, Isa alayhi salam, a enseigné à son époque. Et ça, c'est faux. Ça, c'est un grand mensonge, Yann. Hein? Donc, de croire ça, c'est parce que c'est malheureux, mais c'est ça que, en fait, aussi, qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans à ce sujet-là, c'est que, étant donné qu'il y a tellement de bid'a et de shirk qui sont répandus dans les pays musulmans, eh ben, maintenant, il y a beaucoup de musulmans qui voient pas la différence entre l'islam et le christianisme. Parce que, il y a des musulmans qui adorent les tombes, qui adorent les awliya, qui font les mawal et célèbrent la naissance des prophètes et des hommes pieux. Et donc, puisqu'ils font ça, c'est exactement la même chose que les chrétiens. Et donc, les chrétiens, même les colons qui sont venus dans les pays musulmans, quand ils ont colonisé les pays musulmans, ils ont encouragé ça, ces formes de shirk chez les musulmans. Et ils ont encouragé les groupes soufis hein, qui enseignent ces affaires-là. Et donc, ça fait partie d'un plan qu'ils ont suivi pour, à la longue, christianiser l'islam. Ils ont dit, si on n'est pas capable de faire devenir les musulmans, que les musulmans deviennent chrétiens, on va christianiser l'islam. Hein? On va faire l'islam devenir comme le christianisme, comme ça après ça va être facile si on veut les appeler. Hein? Et là, en ce moment, on voit qu'il y en a beaucoup dans les pays musulmans qui deviennent chrétiens. Parce que, au lieu de prier Sidi Ali Moussa ou Sidi Boussalham ou je sais pas quoi, n'importe quel autre, eh ben on va prier Sidi Issa, Sidi Lala Mariam, hein, ou je sais pas quoi. Donc, ils changent un wali pour un autre, ou un prophète pour un autre. On priait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant on va prier Issa, Issa. Ils pensent que ça c'est correct, donc l'autre est correct aussi. On célébrait la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant on va célébrer la naissance de Issa. Et donc il n'y a pas de différence. Si ça c'est permis, ça c'est permis. Et donc ils ne savent pas que ça c'est shirk. Celui qui adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mushrik. Et celui qui adore Issa alayhi wa sallam, c'est un mushrik. Et celui qui adore Moussa alayhi wa sallam, c'est un mushrik. Hein? C'est pas une question de quel prophète tu adores. N'importe quel être humain que tu adores en dehors d'Allah, tu deviens un mushrik. Tu sors de la foi, tu quittes l'islam, tu contredis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hein? Tu contredis le témoignage qui dit que rien ne doit être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'bouda bihaqqin illallah. C'est pas la ilaha illallah, ça veut pas juste dire la rab illallah, ou la khaliq illallah. Comme les gens s'imaginent aujourd'hui. Que la ilaha illallah, ça veut dire, il n'y a pas de Dieu sauf Allah, ou sauf Dieu. Il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. Hein? Même les idolâtres, ils disent ça. Même les chrétiens, ils disent ça. Même les juifs, ils disent ça. Même les gens qui adorent des statues, ils disaient ça au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas ça le tawhid. Le tawhid, ça veut dire, il n'y a pas de Dieu sauf Allah, c'est vrai. On ne dit pas que c'est pas vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de Dieu sauf Allah, sauf qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré sauf Allah, puisque c'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui seul qui a créé, qui est le maître de tout. Donc pourquoi tu vas adorer d'autres que lui? Et tu n'as pas le droit non plus de prendre des intermédiaires entre toi et lui. Tu dois l'adorer direct, sans intermédiaire. Hein? Ça c'est le tawhid. Donc, yani, pour les Asha'ira, le tawhid c'est pas ça. Pour les Asha'ira, le tawhid c'est la khaliq illallah, la rab illallah. Ça c'est le tawhid des mutakallimin. C'est le tawhid des mu'tazila, c'est le tawhid des Asha'ira. C'est ça leur tawhid. C'est pour ça que vous allez lire les livres qui parlent d'aqida. Lisez n'importe quel livre écrit par les Asha'ira. Que ce soit Qardawi, Muhammad al-Ghazali et les autres qui ont étudié l'aqida Asha'ariya. Vous allez jamais entendre parler de tawhid al-ibada dans ces livres-là. Non, ils mentionnent jamais là-dessus le fait que les gens adorent les tombes et des choses comme ça. Pour eux, ça fait pas partie du shirk, ces choses-là. Parce que pour eux, être mu'ahid, c'est de dire qu'il y a un seul Dieu, un seul créateur. Il n'y a pas deux créateurs ou trois créateurs ou quatre créateurs. qui parmi les êtres humains croit qu'il y a plusieurs créateurs? Il n'y a personne. Même les idolâtres qui adoraient les idoles au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient qu'il y avait un seul créateur. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Même les chrétiens, ils disent pas que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Ils disent que c'est Allah qui, le Père qui a créé les cieux et la terre. Et que Jésus, c'est le Fils. Hein? Mais ils disent que les trois sont un. Hein? Souvent, ils disent ça. Et même dans la Bible, ils lisent dans la Bible, c'est écrit. Quand quelqu'un est venu demander à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, ne m'appelle pas bon. Un seul est bon. C'est Dieu. Donc, ça veut dire, ils font la différence quand même entre Dieu et Jésus. Mais ils jouent avec les choses pour essayer d'interpréter. Donc c'est pour ça, c'est important de comprendre ces différences-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent au nom de l'islam, et qui parlent de l'islam, et qui clarifient l'islam aux gens, mais qui ont des mauvaises bases, une mauvaise aqida. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Les gens pensent que depuis quelqu'un, c'est un cheikh, un alim, il parle à la télé, il fait des fatawas, ça y est. Hein, ouais. Bah même aujourd'hui, même s'il n'a pas de barbe, ils vont l'écouter quand même. Hein? Oui, parce qu'il parle de religion à la télé, ça y est. On va voir des exemples de ça, Inch'Allah, dans quelques instants. En passant, les frères qui me demandaient pour Diddou, comment il s'appelle? Mohamed Diddou? Oui. Bah, ben, j'ai trouvé quelque chose à ce sujet-là ici. Oui. Cheikh Abdelaziz Arwais, il a mentionné quelque chose à ce sujet-là. Ouais, attendez juste un instant que je le retrouve. Ah oui, c'est ça. Wa qarrara al-Shanqiti Mohamed Diddou, al-Mufti fi Qanat al-Majd. Est-ce que c'est lui? Oui, al-Shanqiti Mohamed Diddou, c'est ça son nom? Comment il s'appelle, celui dont tout le monde parle? C'est pas Mohamed Diddou? Il y a combien de Diddou? Ah, ok. En tout cas, si c'est lui là, Mohamed Diddou, si c'est lui le mufti dans Qanat al-Majd, eh bien il dit, قَرَّرَ الشَّنْقِيْتِ Mohamed Diddou, المفتي في قناة المجد بأن الفرقة الناجية هم الأشاعرة والماتريدية والسلفية. ودونك ساسكيلا دي وكما في شرحه لكتاب التوحيد المسمى المغني المفيد وهو موجود في موقعه في الشبكة العنكبوتية. دونك dans son livre التوحيد l'explication du livre التوحيد بالمغني المفيد ben il a dit que le groupe sauvé, ce sont les Asha'ira, les Maturidiyya et les Salafiyya. Donc il a dit que c'est ces trois groupes-là. Donc vérifiez pour savoir si c'est le même dont on parle, si c'est le même Diddou. Donc maintenant vous savez un peu c'est quoi son manhaj et sa aqida. Maintenant, pour en revenir à le point qu'on avait mentionné, le deuxième point. At-tanbih al-thani sha'a fi hadha al-zaman عند كثيرين إدخال الأشاعرة في أهل السنة معتمدين في هذا على كلام ابن تيمية وهو أن أهل السنة إطلاقين أو لأهل السنة إطلاقين إطلاقا عاما وهو ما يقابل الرافضة وإطلاقا خاصا والمراد بهم أهل الحديث فعلى الإطلاق الأول تكون الأشاعرة من أهل السنة وإذا أرادوا تعليل إدخال الأشاعرة في أهل السنة قالوا هم أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة وقد وقع هؤلاء في خطأين الأول في فهم كلام ابن تيمية فإنه لما ذكره أراد في استعمال عامة الناس لا في استعمال الشرع وكلام العامة لا ينبغي عليه شرع وإنما يذكره من باب الإخبار وببغض الناس الإخبار ببغض الناس نعم للرافضة ثم على فهم هؤلاء لكلام ابن تيمية تكون المعتزلة من أهل السنة والثاني أنه يلزم من على تعليلهم إدخال الرافضة في أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة. Donc, dans le deuxième point, ça c'est un point important en fait, qui clarifie ou qui vient clarifier certaines ambiguïtés de la part de certaines personnes au sujet des Asha'ira, et pas, non plus, pas seulement les Asha'ira, d'autres sectes aussi. Parce que les gens, ils disent, ceux qui ont inclus les Asha'ira parmi parmi Ahl al-Sunnah, ils se basent sur une parole qui est attribuée à Ibn Taymiyyah, en fait c'est une des paroles d'Ibn Taymiyyah, et il faut savoir que Ahl al-Sunnah, il est utilisé par les gens de deux façons. Une façon qui est générale et une façon qui est plus particulière. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que il y a des gens, quand ils disent Ahl al-Sunnah, ils veulent seulement désigner ceux, c'est-à-dire ceux qui sont rafida, comme les shi'a, et ceux qui ne sont pas shi'a. Donc quand ils veulent diviser par rapport à l'islam, quand ils parlent des sectes, souvent ils disent ça. Il y a les shi'a, rafida, puis il y a les shi'a. Hein, sunni, shi'i. Hein. Sunni, Ahl al-Sunnah, shi'i, shi'a, rafida. Donc, ça c'est ce qui est dit par les gens. Et ça c'est mentionné dans Majmu' al-Fatawa, le volume 4, si je ne me trompe pas, et Ibn Taymiyyah explique ça. Mais il dit que ça c'est l'utilisation des gens en général, c'est pas l'utilisation de la charia, c'est pas l'utilisation des ulama non plus, d'accord? Parce que quand le cheikh dit que tellement que c'est connu que les shi'a rafida sont des gens de bid'a, que quand on parle de mubtadi'a, eh bien le premier mot qui vient c'est shi'a, hein? Mais en réalité il y a beaucoup d'autres groupes en dehors des shi'a qui sont en dehors de la sunna aussi. Hein? Mais les gens, quand ils disent Ahl al-Sunnah, eh ben, parfois ils le disent d'une façon générale. Tandis que lorsqu'on utilise le terme Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah d'une façon plus particulière et plus précise, telle qu'elle est mentionnée dans les textes du Coran et de la Sunnah, là on parle uniquement de Ahl al-Hadith, Ahl al-Athar, hein? Al-Firqat al-Najia, Al-Ta'ifat al-Mansura, le groupe sauvé, les gens qui suivent le Hadith et la Sunnah. C'est uniquement eux qui sont les le groupe sauvé et qui sont Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Donc ça veut dire que tous les autres sectes qui sont pas shi'a mais qui sont quand même des groupes déviés ne font pas partie d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah eux non plus, comme par exemple les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Sufiyya, les Asha'ira et tous les autres. Mais quand on le dit au sens général, ben, tous ces groupes-là, ils sont inclus dans, soi-disant, Ahl al-Sunnah al-Jama'ah. Mais cette première définition générale-là, elle est incorrecte. C'est la parole des gens qui disent ça, les gens qui ne sont pas, disons, familiers avec la compréhension approfondie du Qur'an et de la Sunna. Donc, il dit que dans cette façon d'inclure les Asha'ira dans Ahl al-Sunnah, il y a deux graves erreurs. La première erreur, dans la compréhension de la parole d'Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit ça, c'est que Ibn Taymiyyah a voulu uniquement montrer l'utilisation des gens. Il n'a pas voulu montrer l'utilisation de la charia. Et la parole des gens, qu'est-ce que les gens disent, c'est pas une chose sur laquelle on doit se baser pour comprendre ou pour déterminer la charia. C'est uniquement dans le but de montrer à quel point les gens détestent les rafidah. C'est pour ça qu'il divise ça de cette façon-là. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah avait donné cet exemple-là, pour montrer à quel point il déteste les shi'a rafidah. Et si on prenait la parole d'Ibn Taymiyyah de ce qu'il dit quand il parle de la division des gens lorsqu'il parle en général de Ahl al-Sunnah, eh bien on devrait aussi inclure les Mu'tazila dans Ahl al-Sunnah, et les Khawarij aussi, et les Murji'a. Et tous les autres sectes qui ont quitté ou qui ont dévié sur les points des fondements d'Ahl al-Sunnah, on devrait aussi les faire rentrer dans Ahl al-Sunnah et dans le groupe sauvé. Et ça, c'est bien entendu quelque chose d'impossible. Deuxième erreur, c'est que ça implique que on devrait dire, parce qu'il y en a qui disent ça, c'est ça, ils disent que les Asha'ira font partie d'Ahl al-Sunnah dans ce qu'ils ont été. Dans ce qu'ils ont dit, qui est en accord avec les positions d'Ahl al-Sunnah, ils sont avec Ahl al-Sunnah, et dans ce qu'ils ont contredit, eh bien ils ne sont pas d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et il dit, le cheikh, que ça c'est incorrect, cette compréhension-là, et si on devait l'appliquer comme ils le disent eux, eh bien dans ce cas-là on devrait même l'appliquer pour les Rafidah, qui disent que, on pourrait dire à leur sujet, les Rafidah sont avec Ahl al-Sunnah wal-Jama'a dans ce qu'ils disent qui est en accord avec Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et ils ne sont pas Ahl al-Sunnah wal-Jama'a dans ce qu'ils disent qui est contraire à Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Donc le cheikh, il dit que ça c'est incorrect. Et comme on va le voir dans une citation qui va venir plus loin, c'est que c'est suffisant pour que quelqu'un oppose Ahl al-Sunnah wal-Jama'a dans une des positions parmi les fondements de Ahl al-Sunnah pour qu'il sorte d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. C'est pas nécessaire que, c'est pas nécessaire que quelqu'un ait, disons, accumulé plusieurs erreurs ou plusieurs contradictions au fondement d'Ahl al-Sunnah. Comme par exemple, juste quelqu'un qui dévie dans Al-Qadha, eh bien ça suffit pour qu'on dise qu'il est un mutadir, hein, s'il a contredit les principes d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a à ce sujet-là. La même chose pour ceux qui ont ramené une bid'a dans l'iman, et qui disent que si tu fais un grand péché, tu deviens kafir, comme les khawarij. Et si tu fais un grand péché, comme tu bois de l'alcool, tu deviens kafir. Hein? Tu fais le zina, tu deviens kafir. Et donc ça c'est un exemple des khawarij. Hein? Il faut te tuer, puis on prend ton argent, parce que tu as fait un grand péché. Donc ça c'est le manhaj des khawarij. Hein? Ceux qui disent qu'on doit prendre les armes contre un dirigeant s'il fait de l'injustice, même s'il est musulman. Cela, ça c'est les khawarij. C'est suffisant pour que quelqu'un devienne mubtadi, qu'il défende cette position-là, et qu'il rejette la vérité qui est venue à ce sujet-là. C'est pas obligatoire qu'il ait une série d'erreurs sur chaque question. Une seule, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ceux qui ont réuni plein d'erreurs? Regardez les Rafidah, par exemple. Les Rafidah, ils ont plusieurs bid'ah. Mais parmi les bid'ah qu'ils ont, c'est qu'ils préfèrent Ali à Abu Bakr et Omar et Osman. Et ça, en soi, c'est une bid'ah. Et ça suffit pour faire quelqu'un sortir d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et pour qu'on dise qu'il est un mubtadi'. C'est pas nécessaire qu'il rajoute d'autres choses. Juste ça, ça suffit pour qu'il soit un mubtadi'. Bien entendu, si, par exemple, il rajoute d'autres choses, ben ça empire sa bid'ah. Donc ça c'est la réponse à la deuxième chose. Donc on ne dit pas il est d'accord sur ce sur quoi ils ont été d'accord avec Ahl al-Sunnah, ils sont Ahl al-Sunnah, et le reste ils ne sont pas Ahl al-Sunnah, on ne dit pas ça. S'ils ont contredit Ahl al-Sunnah al-Jama'a dans un fondement, dans un principe de base, eh bien ils ne sont pas Ahl al-Sunnah al-Jama'a en entier. Après le chef, il dit « وَقَالَ هَذَا وَبَعْدَ هَذَا إِلَيْكَ نُصُوصَ الْإِمَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ الَّتِي تُوَضِّحُ مُرَادَهُ قَالَ فَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ الْمَشْهُورِينَ مِنَ الطَّوَائِفِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ بِالْبِدْعَةِ لَيْسُ فَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ الْمَشْهُورِينَ مِنَ الطَّوَائِفِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ بِالْبِدْعَةِ لَيْسُ منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا، وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف، فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة. Donc là on lit le contexte de la citation d'Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, le volume 4 à la page 155. On voit que par rapport au contexte, qu'est-ce qu'il dit, ça se clarifie, hein, du fait qu'il a dit que quand on dit en général, quand on parle des groupes et des sectes, et quand on parle de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et de la Bid'a, eh bien on parle des sectes et des gens de Bid'a, on parle de ceux qui ont contredit la voie des Salafs. Et les Salafs, c'est les Sahaba et les Tabi'in et les Tabi'in. Donc quand on parle des gens de Bid'a, on veut dire les gens qui ont suivi autre que la voie des Salafs. Et le groupe le plus célèbre ou le plus connu pour la bid'a, c'est le groupe des rafidah, c'est-à-dire les shi'a. Hein. Même que les gens, les musulmans ordinaires, hein, qui ne sont pas des ulama, les musulmans ordinaires, ils ne connaissent des principes de la bid'a que la secte des rafidah, les shi'a. Hein. Pour eux, les mubtadi'a, en général, c'est les rafidah. Ils pensent, tu vois, même des musulmans qui viennent d'autres pays où il n'y a pas de shi'a, en général, que tout le monde sont des sunnis, ils pensent que tout le monde sont sunnis dans ces pays-là. Alors qu'il y a dans leur pays des Asha'ira, des Maturidiya, il y a des Soufiya, plein de Turuq, hein, et il y a plein d'autres tendances, yani, dans leur pays, mais malgré tout, ils considèrent que sont tous musulmans, sur la même voie. Ils prennent pas en considération les différentes sectes et les différents groupes qui existent dans cette société-là, hein. Parce qu'il n'y a pas de rafida. Parce que c'est ça ce que Ibn Taymiyyah explique maintenant. Les gens, quand ils parlent quand ils pensent à bid'a, ils pensent tout de suite shi'a. Et quand ils pensent au mot sunni, dans leur langage à eux, les gens, les musulmans ordinaires qui connaissent pas vraiment en profondeur les détails de la aqida, pour eux, quand ils disent un sunni, ça veut dire celui qui n'est pas shi'a, qui n'est pas rafida. C'est ce que ça veut dire. Parce que les shi'a, rafida, ce sont les gens qui ont le plus contredit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les significations du Coran, et c'est eux qui sont les plus forts dans leur attaque contre les salafs. C'est-à-dire, c'est eux qui ont attaqué le plus les salafs, les prédécesseurs de cette umma et les imams de cette umma, par rapport à tous les autres sectes, par rapport à tous les autres groupes qui ont dévié, c'est les shi'a qui ont été les plus déviés dans toutes ces affaires-là. Et donc, c'est pour ça que ils sont plus loin de, yani, c'est ça. Comme règle générale, il termine en disant, فَلَمَّا كَانُوا أَبْعَدْ عَنْ مُتَابَعَةِ السَّلَفِ كَانُوا أَشْهَرُوا بِالْبِدْعَةِ. Étant donné qu'ils étaient plus loin dans, yani, c'était eux qui sont les plus éloignés de suivre les salafs, alors c'est eux qui sont les plus connus, les plus célèbres, pour la bid'a, ou pour être, sur la bid'a. Et il dit encore dans son livre, Minhaj al-Sunnah, فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيذكر في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة هذا وهذا الرافضي يعني المصنف جعل أهل السنة باصطلاح الأول وهو اصطلاح العامة وكل من ليس برافضي قالوا هو من أهل السنة ثم أخذ ينقل عنهم مقالات لا يقولها إلا بعضهم مع تحريفه لها فكان في نقله من الكذب والاضطراب ما لا يخفى على ذوي الألباب وإذا عرف أن مراده بأهل السنة السنة العامة. Ça, ça nous explique un peu, parce que le livre Minhaj al-Sunnah, c'est un livre d'Ibn Taymiyyah qui réfute les Shi'a, les Rafida, ok, et les Mu'tazila aussi. Parce que les Shi'a sont tous des Mu'tazila dans les noms et les attributs d'Allah et dans le Qadar, ok. Donc, si quelqu'un vous demande ou si quelqu'un vous dit, pourquoi vous parlez des Mu'tazila, les Mu'tazila n'existent plus aujourd'hui, vous leur dites, toutes les sectes des Shi'a, que ce soit Zaydiya, que ce soit Rafidiya, que ce soit les autres, eh bien, elles sont toutes Mu'tazila dans leur croyance en Al-Asma wa Sifat et dans les questions de Qadar, ok. Donc, ils existent encore. Et le Cheikh, il répond en disant que le terme Ahl Sunnah, il y a des gens qui l'utilisent pour dire tous ceux qui ont affirmé les trois premiers khulafa, Abu Bakr, Othman, Omar et Othman, les trois premiers khulafa. Tous ceux qui disent ça sont Ahl Sunnah wal Jama'ah, même s'ils font partie d'autres sectes, en dehors des Rafidah. Ok? Donc, tous ceux qui ont dit Abu Bakr, Omar, Abu Bakr, Omar et Othman sont les trois premiers khulafa, ceux-là sont considérés, et ils disent ceux-là sont des Ahl-Sunnah, même s'ils font partie d'autres sectes, comme les Khawarij, les Mu'tazila, يعني أشاعرة et d'autres groupes. Et on veut dire, يعني, mais si on veut dire Ahl-Sunnah ou Ahl-Hadith, mais ceux qui sont purs, ceux qui sont uniquement Ahl-Sunnah, eh bien, on n'a pas le droit d'inclure parmi eux, on n'a pas le droit d'inclure parmi les gens d'Ahl-Sunnah, si on parle de ceux qui suivent vraiment le Hadith et la Sunnah, on n'a pas le droit d'inclure, excepté ceux qui ont affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qui ont dit que le Coran n'est pas créé, et qui ont dit qu'on va voir Allah dans l'au-delà, et qui affirment la prédestination, Al-Qadar. Hein, et ainsi que les autres fondements qui sont bien connus parmi les fondements de Ahlul Hadith et de la Sunnah. Et ce Rafidi, c'est-à-dire, je pense que c'est Al-Kulayni, celui que Ibn Taymiyyah réfute dans ce livre-là, hein, Al-Kulayni dans son livre, il est réfuté par Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Minhaj, Minhaj al-Sunnah. Lui, quand il a réfuté, ou quand Al-Kulayni essaie de réfuter les gens d'Ahl al-Sunnah, il se réfute en se basant sur l'appellation générale d'Ahl al-Sunnah, que les gens ordinaires utilisent. Donc, tous ceux qui sont pas rafidis sont considérés comme étant des sunnis. Et donc, il n'utilise pas le terme Ahl al-Sunnah dans sa signification réelle, dans la signification comme on l'a expliqué, mais il l'utilise dans la première signification qu'on a mentionnée, qui est connue par rapport aux musulmans ordinaires. Et il dit que, après, il a commencé à citer des paroles qui sont attribuées à Ahl-Sunnah, qui sont uniquement défendues ou supportées par certains d'entre eux, et non pas tous d'entre eux, et il a mélangé même, il n'a même pas mentionné leur position telle qu'elle, il les a déformées, hein, déformées, et il mentionne ma tahrifih laha fakana fi naqlihi min al-kadhib wal-ittirab ma la yakhfa ala dhawi al-albab. C'est-à-dire que le Rafidi, quand il a essayé de réfuter les sunnites, les gens d'Ahl-Sunnah, il a cité des paroles qu'il a attribué à Ahl-Sunnah, alors qu'elles ne font même pas partie des positions d'Ahl-Sunnah, et non seulement ça, il ne les a même pas mentionnées comme il faut, il les a déformées, et donc il a mélangé le mensonge et la déformation et toutes sortes de choses comme ça, et il dit n'importe qui a un peu de raison, il va constater ça quand il regarde son livre. Et ça, ça me fait penser aussi les chrétiens, lorsqu'ils disent qu'ils réfutent les musulmans ou qu'ils veulent réfuter les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la position des Asha'ira sur Al-Qadar et sur d'autres questions, et puis ils essaient de réfuter les Asha'ira. Et après, ils prétendent que ça c'est la position des musulmans. Hein? Comme par exemple sur la prédestination et tout ça. On sait qu'eux ils sont des Jabri, les Asha'ira. Donc ils disent, vous les musulmans, les chrétiens disent, vous les musulmans, vous dites que l'être humain n'a pas de volonté, puis que tout ce qu'il fait c'est Dieu qui le force à le faire, donc ça c'est pas la justice, etc., etc. Et donc ils s'imaginent en disant ça qu'ils ont réfuté les musulmans, alors que c'est la position de la secte des Asha'ira, c'est pas la position qui est défendue par Ahl-Sunnah al-Jama'ah, par le Coran et par la Sunna et la voix des salafs. Hein, et la croyance des premiers musulmans. Donc, ça c'est une méthode aussi malhonnête des gens de Bid'a et des koufars pour attaquer l'islam. Au lieu de réfuter, d'essayer de réfuter les principes eux-mêmes tels quels, ils déforment la réalité, ils attribuent aux musulmans des croyances qui ne font même pas partie de l'islam, et puis après ils les réfutent, et puis ils disent, regardez, on a réfuté les musulmans. Hein? Donc il se crée ça s'appelle en philosophie, je m'excuse, hein, mais c'est juste pour vous dire, parce que j'ai appris ça au cégep, ça s'appelle en philosophie un sophisme, et c'est le sophisme du bonhomme de paille. Hein? Tu te construis un bonhomme de paille pour ridiculiser la position de ton adversaire, et pour montrer sa position comme étant faible, et puis après tu la détruis, alors que c'est même pas réellement sa position à lui. Hein? Hein? Sapsapa. Le sophisme, yani. Donc, au contraire, les jeunes Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, quand ils réfutent les gens de Bid'a, quand ils réfutent les koufars, ils ne font pas des bonhommes de paille. Au contraire, même, ils mentionnent les positions de leurs opposants telles qu'elles sont. Et, en plus, même, des fois, ils leur donnent même il leur rajoute même des arguments pour les aider. Hein, j'ai vu ça dans les livres de certains. Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et d'autres ulama, des fois, ils réfutent des gens de bid'a. Ils disent, voici ce qu'il a dit, voici ses arguments. Et on va lui rajouter, on va même lui donner d'autres arguments pour supporter encore sa position. Hein, et il montre sa position dans toute sa, avec tout ce qu'elle possède de détails, de tous ces points précis, et après il la démolit un par un, du début jusqu'à la fin, de la racine jusqu'à la pointe de la branche. Et il laisse rien. C'est pour ça, Yanni, donc on dit que. Puis il y a un philosophe, un islamologue, je pense qu'il s'appelle Léon Robin ou quelque chose comme ça. En tout cas, lui c'est un spécialiste soi-disant de la philosophie musulmane. Puis dans son livre, il a parlé l'histoire de la philosophie islamique. Il a écrit un livre qui s'appelle un français, Léon Robin, je pense. Et puis dans son livre, il parle à un moment donné de Ibn Taymiyyah. Et comment il a réfuté les Asha'ira et tout ça. Et puis, il sait à un moment donné, il dit, ah, son plus grand œuvre, c'était Minhaj al-Sunnah, etc. Mais il n'a pas réussi, soi-disant, à répondre ou à anéantir complètement les philosophes ou les Asha'ira. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que le plus grand œuvre d'Ibn Taymiyyah qui réfute les philosophes, c'est Dar al-Ta'arud, Bain al-Aql al-Naql, et non pas Minhaj al-Sunnah. Minhaj al-Sunnah, c'est la réfutation des Shia, al-Rafida. Donc pourquoi il n'a pas mentionné Dar al-Ta'arud, Bain al-Aql al-Naql, alors que c'est lui le plus grand œuvre dans lequel il a réfuté les philosophes. C'est juste pour dire, parfois peut-être c'était une omission involontaire de sa part, ou bien peut-être que c'était juste volontaire aussi. Hein? Exactement. Allah al-Musta'an. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que c'est ça, Léon Robin, si je ne me trompe pas son nom. De toute façon, il est spécialisé dans la aqida des Shia aussi, les livres des Shia, la philosophie des Shia. Parce que toutes ces bid'as, une grosse partie, ça vient des Shia. Les soufis, tout ça, le soufisme, toutes ces affaires-là, ça vient des Shia. Exactement. Donc c'est ça. Donc, on sait que, comme Ibn Taymiyyah, il le dit ici, les gens qui font partie de Ahlul Hadith ou Sunnah, ce sont ceux qui affirment les attributs d'Allah et qui disent le Coran n'est pas créé et qui disent qu'on va voir Allah dans l'Akhirah et qui affirment Al-Qadr. Tout ça, c'est des points sur lesquels on contredit les Asha'ira. Les Asha'ira, ils disent Al-Qur'an, makhluq, lafzou. Qu'est-ce qu'on récite là quand on lit le mushaf? Ils disent que ça c'est makhlouq. Et ils disent ça tu dois pas le dire excepté dans les cours quand tu parles aux élèves. Mais devant les gens, dis pas ça. Dis que c'est kalamullah, ghair makhlouq. Mais quand tu parles à tes élèves en privé, tu donnes un cours, tu expliques les détails de l'aqidah, dis qu'il est makhlouq. Hein? Ou muhdath. Hein? Donc ça c'est des exemples de leurs mensonges par rapport à ça. Ils disent que en apparence, ils semblent affirmer qu'on voit Allah dans l'Akhirah et au jugement dernier. Sauf que quand ils expliquent ce qu'ils veulent dire par ça, ils disent non, c'est pas vraiment une vision, c'est qu'Allah il va créer dans le cœur de quelqu'un une chose et donc il pensera qu'il voit quelque chose. Donc, en tout cas, et il nie Al-Qadar d'une façon indirecte avec la théorie de ce qu'ils appellent Al-Kasb. Hein? Et il dit que Al-Kasb c'est une illa ghair fa'ila. Donc ça c'est un exemple de leur théorie sur Al-Qadar, mais ils disent que en réalité c'est la position, et même, comment il s'appelle, celui qui a écrit Milal wa Nihal, Al-Shahristani, il était Ash'ari lui-même, mais sur ce point-là, quand il a parlé de la position des Asha'ira, il a dit que ça c'était la position des Jabriya. Non. La prédestination. Al-Fa'ila. Ok, Al-Fa'ila, walakin la athara fiha, yani la tu'athir. En français, expliquez ça. Attends, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, je ne me rappelle plus le terme que j'avais utilisé. Mais attends une minute. Non, de toute façon, quand on va parler de ça, c'est ça. Là, il y a plutôt une chaîne. Non, ici, il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé de Kazd, mais c'est ça. C'est que, comme par exemple, parmi les choses qu'ils disent, Yannick, c'est que, il faut pas que tu crois que le feu brûle. Si tu crois que le feu brûle, ça veut dire que t'es un mouchik. Parce que t'as attribué au feu la capacité de brûler. Et donc, pour eux, il n'y a rien qui a un effet sur rien. C'est tout ce qui, c'est seulement Allah qui fait les choses. Hein. Et donc, ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en le feu la capacité de brûler. Et que c'est par cause et effet. Hein. Ils nient la cause et l'effet. Et donc, ils disent qu'il y a en fait, quand ils disent Al-Kasb, c'est quoi? C'est qu'il y a nous, on s'en dit comment? Allah subhanahu wa ta'ala dit Jaza'an bima kanu yaksibun. Al-Kasb. C'est ton action. Mais eux, ils disent non, Al-Kasb, c'est pas l'action. C'est un effet, c'est une cause, mais qui n'a pas d'effet. Et les ulama ont considéré ça comme étant une des choses qui sont parmi les absurdités des gens, parmi les paroles ou les positions des gens de Bid'ah. Parce que c'est absurde, ça s'explique pas logiquement, c'est comme la Trinité des chrétiens. Hein, ça s'explique pas logiquement. Même les chrétiens disent c'est un mystère, on peut pas comprendre. Mais le Kasb al-Ash'ari, ça fait partie de ces choses-là. Il y a trois choses comme ça que les ulama ont mentionné, qu'ils ont considéré comme étant des absurdités. Et parmi ces choses-là, il y a une des idées de An-Nawwam qui était un Mu'tazili, j'ai oublié c'est quoi. Le deuxième c'était al-Kasb al-Ash'ari. Il y a un troisième aussi, j'ai oublié c'est quoi. C'est des principes philosophiques qu'ils ont inventés qui n'ont rien à voir avec la position de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Et la preuve même qu'elle soit si compliquée à comprendre ou si impossible même à comprendre, mais en soi ça contredit même la simplicité de la aqidah salafia et la aqidah des salaf salih qui est basée sur les textes du Coran et de la Sunnah. Donc pour terminer le dernier point. Donc, on va dire que le cheikh il dit وَالتَّنْبِيهُ الثَّالِثُ. On va terminer avec ça. قال ابن تيمية في نقد التأسيس فإنهم طوائف أقرب أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم. اعتمد على هذا النص بعض من قال في قلبه زيغ لينسب إلى الإمام ابن تيمية القول بأن الأشاعرة من أهل السنة، وهذا من التدليس، وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول أن كلام العالم يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، وقد تقدم كلامه الصريح على أن الأشاعرة من أهل البدع، فكيف يترك مصنف كلامه الصريح، أو كيف يترك فكيف يترك منصف كلامه الصريح المبين من عدة طرق إلى كلام مجمل؟ والوجه الثاني أن في كلام نفسه ما يدل على أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة عند الإطلاق، بل بالنسبة إلى غيرهم من المعتزلة، أما عند الإطلاق فليسوا من أهل السنة وهو المراد، وإنما سموا أهل السنة والجماعة بالنسبة للمعتزلة في البلد التي ليس فيها إلا هم، لأنهم أكثر تمسكا بالسنة والجماعة منهم. الشيخ الذكر ابن تيمية dans son livre نقد التأسيس il a dit que les Ash'ari sont un groupe qui sont parmi les plus proches à Ahl-Sunnah wal-Jama'ah parmi les gens de Kalam et on les calcule, il dit on les calcule parmi comme étant Ahl al-Sunnah wal Jama'a par rapport aux Mu'tazila et aux Rafida et aux autres sectes. Et il dit, et dans les pays où les gens de Bid'a sont les Mu'tazila et les Rafida, ils sont considérés comme étant Ahl al-Sunnah. Ils sont Ahl al-Sunnah dans les pays où les gens de Bid'a sont les Mu'tazila et les Rafida. Donc il dit qu'il y en a des gens qui ont une déviance dans leur cœur, qui ont essayé de se baser sur ce texte-là pour attribuer à Ibn Taymiyyah l'idée que les Asha'ira sont, font partie de Ahl al-Sunnah, et il y a dans le fait d'avoir fait ça, c'est clair qu'il y a une malhonnêteté yani, dans leur attitude. Et ça c'est de deux points de vue. Premièrement, parce que quand on mentionne les paroles ou les citations d'un savant, il faut les mentionner dans le sens qu'elles s'expliquent les unes les autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une citation qui est d'un savant, qui est disons générale, ou disons pas précise ou pas détaillée dans un contexte, et la prendre sans prendre en considération les autres citations de ce savant-là, où il explique sa pensée ou sa position de façon plus détaillée dans un autre texte ou dans un autre livre, d'accord? Parce que ça c'est bien entendu c'est une attitude malhonnête d'agir de cette façon-là, parce que dans d'autres endroits de différents livres, il a clairement indiqué que les Asha'ira sont des gens de bid'a. Alors comment tu peux laisser tomber ces paroles claires, hein, qui sont mentionnées dans différents endroits, pour une parole qui est disons plus générale et moins précise? Et après, il mentionne comme deuxième argument pour répondre à ceux qui disent ça, c'est que dans la parole elle-même, on voit que Ibn Taymiyyah, il a mentionné que les Asha'ira ne sont pas Ahl al-Sunnah, ils ne font pas partie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, si on le mentionne d'une façon absolue, dans le sens que on dit seulement qu'ils font partie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a par rapport ou par comparaison aux autres sectes comme les Mu'tazila et les Rafida. Mais même si yani comme il dit amma 'inda al-itlaq fa laysa min ahl al-sunnah wa huwa al-murad. Mais quand on le dit en général, ils ne font pas partie, hein, quand on le dit d'une façon plus spécifique comme ça, d'une façon absolue, ils ne font pas partie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Mais on dit seulement ça dans le contexte ou dans le sens où on parle de lorsqu'ils sont les seuls dans un pays à, par rapport à un pays, disons, où les autres sont sur la Bid'a ou la secte des Mu'tazila et des Rafida, on dira dans ce cas-là qu'eux, ils seront appelés Ahl al-Sunnah. Pourquoi? Parce qu'ils sont ceux qui s'accrochent le plus au Coran et à la Sunna par rapport aux autres sectes. Par rapport aux autres sectes. Donc ça c'est le point que le cheikh a clarifié à ce sujet-là. Parce qu'il y a des gens à notre époque maintenant qui jouent avec ça. Ils jouent avec ces citations de Ibn Taymiyyah pour essayer de faire croire aux gens ce qu'ils veulent. Et ça c'est quelque chose d'incroyable aussi à propos d'Ibn Taymiyyah, c'est que c'est un des plus grands savants de l'islam. Et tout le monde, lorsqu'ils veulent essayer de prouver que qu'est-ce qu'ils disent c'est bon, ils essaient toujours de ramener des citations d'Ibn Taymiyyah. Donc vous trouvez des paroles d'Ibn Taymiyyah, hein, et tous les gens essaient d'en mettre dans leur sauce, hein, pour dire qu'ils ont quelque chose avec de la vérité avec eux. Alors qu'en réalité, Ibn Taymiyyah n'a rien à voir avec eux. Vous trouvez des modernistes aujourd'hui qui citent Ibn Taymiyyah. Vous trouvez des soufis qui citent Ibn Taymiyyah. Vous trouvez d'autres groupes aussi, d'autres tendances qui essaient de citer Ibn Taymiyyah. Et la raison pourquoi ils font ça, c'est pour essayer de se donner une crédibilité, pour essayer de montrer, parce qu'ils savent qu'Ibn Taymiyyah c'est un grand savant. Et le problème avec ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent trouver par exemple certaines paroles ou certaines choses qui en apparence, hein, donnent l'impression que Ibn Taymiyyah a été d'accord avec certaines de leurs paroles, de leurs idées. Mais lorsqu'on, le problème c'est qu'ils vont pas retourner au fondement de Ibn Taymiyyah et aux bases et aux principes de Ibn Taymiyyah. Hein, ils vont juste prendre quelques citations comme ça à gauche et à droite pour essayer de défendre leur position à eux. Mais pourtant, les fondements, ils les acceptent pas. Et c'est ça un exemple de leur malhonnêteté. Hein. Il faut aller voir, il faut aller au fond de la principe d'un savant sur ses fondements et ses principes pour comprendre ses déductions et ses jugements et non pas se baser sur des positions comme ça qu'on trouve un petit peu partout pour essayer de défendre ce qu'on croit nous-mêmes ou ce qu'on dit, hein. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.